Novembre est le mois du Vendredi fou chez Dolbo Auto. Obtenez jusqu'à 9 000 en valeur totale sur les modèles 2018. De plus, bénéficiez d'un rabais de 1 000 sur le Vendredi fou de Dolbo Auto au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0570. Monsieur Stéphane Fortin vous rappelle que d'acheter localement pour soutenir notre économie. L'année du tennis est maintenant chose du passé, l'année 2018. On va voir comment le grand patron de Tennis Canada trouve l'année en 2018 des joueurs de tennis, autant chez les hommes que chez les femmes. On parle avec Louis Borfiga. Bon après-midi, M. Borfiga. Oui, bonjour, bon après-midi. M. Borfiga, 2018, comment vous la qualifiez pour les joueurs de tennis canadiens? Ben dis donc, on peut dire que c'est une grande année, surtout au niveau des garçons, puisque on a quand même deux joueurs dans le top 30 avec Milos Raonic et Denis Shapovalov. Et puis aussi, on a quand même, je dirais, une profondeur avec Vasek Pospisil qui est remonté dans les 100 premiers, Félix qui est au port des 100 premiers, Peter Polanski 120, Bryden Schnur. Donc vous voyez, on a quand même sept joueurs dans les 170 meilleures raquettes mondiales. Donc c'est quand même une très très belle année au niveau des garçons. Puis on s'est, en Coupe Davis, on s'est maintenu dans le groupe mondial. Donc je dirais grosse satisfaction. Ok. Est-ce que du côté de Denis Shapovalov, on se rappelle la Coupe Rogers en 2017, où ce qui avait vraiment fait écarquiller les jeux tout le monde, est-ce qu'on peut dire que sa progression va normalement? Ben, honnêtement, elle va au-delà de mes espérances, parce que il ne faut pas oublier qu'il était classé dans les 50 premiers alors qu'il n'avait que 18 ans. Mmh. Et quand je discutais avec mes collègues entraîneurs étrangers, ils me disaient tous, si l'année prochaine il finit 50e, ce sera une belle année. Puis il a fini 27e. Donc il a encore progressé. Il nous a encore donné de grosses satisfactions. Et puis ben, je pense qu'il est sur le bon chemin pour faire une grande, grande carrière. OK. Dites-moi, est-ce que du côté 2019, est-ce qu'on peut penser les 10 premiers ou c'est encore trop tôt pour penser à ça? Parce que c'est facile de monter jusqu'au 30 premiers, mais monter de 30 à 10, c'est très difficile. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut lui laisser... je dirais qu'on peut envisager les 10 premiers dans 2 ans, dans 2-3 ans. Maintenant, s'il le fait avant, tant mieux. Mais il ne faut pas non plus lui mettre trop de pression. Vous savez, c'est le niveau chez les garçons monte. Il est de plus en plus fort. La concurrence est incroyable. Il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est assez exceptionnelle, qui rend la tâche difficile de Shapovalov et de Félix au JL Yassim. Mais bon, avec leur talent, on est confiant. OK. Dites-moi, Raonic, souvent blessé. Hein? C'est ça le problème de Milos Raonic depuis quelques années. Ben oui, malheureusement, Milos, il a été victime de certaines blessures. Ceci étant dit, il a quand même fait une année remarquable, puisqu'il s'installe dans un classement parmi les meilleures raquettes mondiales. Donc il est revenu, Milos. Maintenant, il faut juste lui souhaiter qu'il puisse faire une année complète sans blessure. Et puis, lui, il peut rejoindre le top 10 l'année prochaine. OK. Dites-moi maintenant, Félix Auger-Aliassime, écoute, c'est probablement le joyau du Québec, c'est probablement une future très grande vedette au niveau international, à monter tout près des 100 premiers. Si Shapovalov est en avance sur son temps, lui aussi est en avance. Oui, bien sûr, il est en avance. C'est évident que Félix, lui aussi, il a fait une belle progression. Il est encore junior, faut pas l'oublier. Mm. Il est encore junior, il a que 18 ans. Il avait un programme volontairement difficile qu'on lui a établi cette année pour bien le former. Donc il est en avance, évidemment, il est en avance sur les autres. Et comme vous l'avez dit à juste titre, c'est aussi un grand espoir au niveau international. Et puis l'année prochaine, je pense qu'il va encore progresser et qu'il va s'installer pour moi, je le dirais, dans les 50 premiers. Là, il y a Polanski, mais il y en a-tu d'autres du côté qu'on ne connaît pas encore, qui ont 15, 14, 15, 16 ans? Parce que Tennis Canada, vous entraînez beaucoup de jeunes également. Est-ce qu'il y en a un qui est aux portes, là, qu'on n'entend pratiquement pas parler de lui, mais que vous allez, un peu comme Félix Auger-Aliassime, on est sur le point de l'entendre parler, puis il va devenir une vedette? Mais de toute façon, il faut bien comprendre que ce que j'explique souvent, c'est que des Denis et des Félix, c'est assez exceptionnel. On n'en aura pas pendant les 50 prochaines années, là. Il faut pas se faire d'illusions. Puis des autres pays, Les autres pays, pareil, des joueurs exceptionnels comme ça, il n'y en a pas. Après, on a des très bons jeunes, mais c'est encore trop tôt pour en parler. Il vaut mieux les laisser grandir, je dirais, dans l'anonymat. Oui, on a des bons jeunes, c'est sûr. On a des bons juniors. On a deux juniors qui sont 1,40, l'autre 80 au classement international. On a des bons 14-15 ans, mais bon, ils sont encore un petit peu jeunes pour qu'on puisse en parler. Okay. Dites-moi, chez les filles, est-ce que Jenny, vous avez un petit peu perdu espoir qu'elle va remonter? Je dis pas nécessairement dans les 10 premières, c'est pas nécessairement ça qu'on veut, là, mais au moins qu'elle gagne des petits tournois, des tournois de grand chelem, qu'elle se rende à la deuxième semaine. Est-ce que ça, c'est encore possible de penser ça, ou c'est tout simplement là, c'est utopique? Non, c'est pas du tout utopique. Faut pas oublier que Jenny, elle est encore jeune. Ouais. Elle a que 24 ans. Et si vous regardez bien le circuit international, maintenant, il y a des filles qui, à 30 ans, ont gagné leur premier grand chelem. Mm. Donc, Jenny, elle a déjà fait un pas en remontant dans les 100 premières. Je pense qu'elle doit y aller étape par étape. Si l'année prochaine, elle s'installait durablement dans les 50 premières, et c'est possible, elle referait un autre pas avant de remonter dans un classement qui correspond plus à sa valeur tennistique. Mais en aucun cas on est pessimiste, au contraire. Et moi, je pense que elle va re-bien jouer, mais il faut qu'elle y aille étape par étape. Est-ce que son entourage, parce qu'on entend parler beaucoup à l'extérieur que son entourage laisse à désirer, puis elle change beaucoup d'entraîneurs également, c'est quasiment deux puis trois par année, est-ce que ça c'est problématique, est-ce que ce qu'on entend, est-ce que c'est vraiment ça, ou c'est vraiment son entourage qui est difficile à vivre? Non, mais je pense que non, il faut, non. Tout le temps il y a beaucoup d'exagération, mais ceci étant dit, c'est vrai qu'il faudrait maintenant qu'elle se stabilise avec un entraîneur. Ouais. Je pense que là elle a commencé à travailler avec un entraîneur d'expérience, il faut qu'elle garde. Il faut qu'elle arrive à faire un bout de chemin avec lui, et puis ça va revenir, quoi. Je suis pas du tout inquiet. OK. Françoise Abanda, maintenant, est-ce que est-ce qu'elle aussi peut progresser? On sent vraiment une stagnation dans son cas, des problèmes un petit peu d'attitude aussi. Elle n'a pas ménagé Tennis Canada, on connaît toutes les histoires. Est-ce qu'elle aussi, au niveau sportif, c'est vrai qu'elle est encore très jeune, mais elle, est-ce qu'elle peut progresser encore? Oui, elle peut progresser, c'est évident, parce qu'elle a juste 21 ans. Mais maintenant, c'est évident que cette année, elle fait pas une bonne année. Il faut pas se voiler la face. Et puis surtout, il faut pas qu'elle se voile la face, mais il faut qu'elle ait les bonnes priorités. Comme l'a dit justement ce matin Sylvain Brineux en conférence, il faut qu'elle joue plus de tournois. Il faut qu'elle fasse plus d'efforts, tout simplement. Et puis, comme elle a le niveau. Je dirais le niveau tennistique, mais maintenant, vous savez, là aussi, la concurrence est rude, donc, comme on dit, il faut aller au charbon, quoi, il faut y aller, il faut pas avoir peur. OK. Dites-moi, du côté aussi de... Mais je pense que la vedette montante, c'est Bianca Andreescu, hein? Je pense qu'elle, elle va... je pense que Tennis Canada va fonder beaucoup d'espoir sur elle. Oui, tout à fait. Bianca, elle a seulement 18 ans. Ouais. Et elle est déjà 150 au monde. C'est la quatrième plus haut classée de son âge au classement WTA. Elle a été cette année un petit peu handicapée par certaines blessures. Mmh. Mais elle a très bien fini l'année en gagnant deux tournois Challenger. Donc, je suis convaincu que l'année prochaine, elle va faire une très bonne année, puis elle va rentrer dans les 100 premières, ce qui correspondra aussi plus à son niveau réel. OK. Dites-moi, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que vous êtes arrivé au Canada, M. Barfiga, pour diriger le Tennis Canada, 5-6 ans, hein? Non, ça fait 12 ans que je suis là. 12 ans, OK. Est-ce que, dans l'ensemble, est-ce que c'est vrai, vous avez vraiment atteint vos objectifs? Parce que je me rappelle que lorsque vous êtes arrivé, vous étiez vraiment venu au Canada pour relancer le tennis. Est-ce que, dans l'ensemble, depuis que vous êtes arrivé de la France, est-ce que vous avez, ça va comme vous vouliez, ou encore il y a des choses qu'il faut travailler? Je dois vous dire, pour être tout à fait honnête, que c'était au-delà de mes espérances, parce que avoir quand même un Milos Raonic qui fait finale à Wimbledon, Jenny Bouchard finale à Wimbledon, Milos qui a fini l'année 3e, Jenny 5 ou 6e, mais ce qui m'a le plus satisfait, c'est qu'après ça, on a réussi à bâtir une autre génération, les Chapovalov, Félix, Bianca, et puis il y en a d'autres. Donc ça prouve qu'on travaille bien avec mon équipe, qu'on est dans la bonne direction. Non, mais honnêtement, si vous interrogez les gens des fédérations étrangères, ils vous diront que le Canada, ça marche bien. Voilà ce qu'ils disent. Ça okay. marche bien. Okay. Dites-moi, Monsieur Barfiga, un gros, gros merci. Merci à vous. Bravo pour votre travail. Je pense que c'est pas mal le fun. On a hâte qu'une belle progression du tennis et vous en avez beaucoup, beaucoup. Vous avez beaucoup de crédit à avoir là-dessus, ainsi que les joueurs. Et merci beaucoup, c'est très gentil. Louis Barfiga.